François qui mène sur la mise en onde. Bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici d'abord les grands titres. Le gouvernement burundais devrait considérer les études des experts pour renégocier les contrats miniers. C'est la proposition du professeur d'université Prudence Bararunyeretse, vous l'entendrez dans cette édition. Et les agriculteurs de Chibitoke grognent suite au manque de fertilisants de type FOMI. Et cela, malgré les 10 jours que le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire avait accordé à cette société pour avoir acheminé ses fertilisants dans toutes les communes. On vous parlera également du manque d'eau en commune Vianda de la province de Bururi. Nous avons également la chronique qui va vous parler sur les messages, la limitation axiologique des idées, ses conséquences dans quelques instants, le développement de ces titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour, le gouvernement peut suspendre les contrats avec les sociétés minières pour différentes raisons, mais cela peut entraîner beaucoup de conséquences économiques dans le pays. Réaction de Prudence Bararunyeretse, docteur en sciences et ingénierie de l'environnement, après la révocation du permis d'exploitation de nickel à Musongati, selon ce professeur d'université. Lorsqu'il y a arrêt des contrats, les deux parties subissent des pertes dues généralement au déséquilibre dans la négociation des 10 contrats. Il ajoute que le problème de corruption peut affecter les processus de négociation suivis. Dans le code minier, il y a des dispositions qui montrent clairement dans quelles conditions est-ce qu'une des parties prenantes au contrat peut suspendre l'activité, que ce soit pour le gouvernement et que ce soit pour la société minière. On doit se demander, mais quelles peuvent être les raisons qui créent des problèmes pour le gouvernement, quitte à ce qu'il arrive à suspendre des contrats. La première chose, c'est que le gouvernement peut remarquer que dans ces contrats-là, il y a une perte. Et cette perte, elle peut être due à beaucoup de choses. La première chose, ça commence même par la négociation des contrats. Souvent, on se rend compte qu'il y a un déséquilibre dans la négociation des contrats, un déséquilibre qui peut être lié aux faiblesses des compétences de ceux qui agissent au nom du gouvernement lors de la négociation des contrats. Il y a un autre problème, c'est le problème de corruption qui peut influer négativement sur les processus de négociation des contrats. Il y a aussi la fraude minière qui est la violation des lois au profit de celui qui les viole. Dans le cas présent, ça peut être l'entreprise. Mais il y a aussi le contexte de gouvernance en général. Ça peut être aussi le contexte sécuritaire, le contexte économique, la situation financière dans laquelle se trouve le pays. Un pays qui négocie en situation de faiblesse économique, cela pourrait agir négativement sur les capacités et le pouvoir de négociation. Quand il y a signature de ces contrats, c'est que d'abord, le pays devrait avoir planifié des activités en lien avec les revenus qui viendront de cette exploitation minière. Tout comme l'entreprise attend des bénéfices de cette exploitation, il a investi beaucoup de moyens et lorsqu'il y a arrêt, il y a beaucoup de problèmes, notamment que ces revenus qui étaient attendus, qui étaient peut-être déjà planifiés pour le réinvestissement ou pour la croissance économique ne sont pas là. Et il y a cet investissement des entreprises. De toute façon, il y a beaucoup de conséquences et ça peut être des deux côtés. La société Burundi Mining Metallurgy n'étant pas la première à perdre cette qualité d'exploitation, ce professeur d'université estime que le gouvernement burundais devrait d'abord se baser sur les études faites par des experts pour ainsi déterminer la valeur réelle de cette richesse minière et enfin se baser sur les textes existants pour constituer de bons contrats. Encore une fois, Dr Prudence Bararunyeretse. La première chose, c'est que les négociations doivent se baser sur les études qui ont été faites pour la détermination de la valeur des gisements et des minéraux. Et il y a également ce problème de compétences que nous avons déjà évoqué. Le gouvernement doit avoir des agents compétents, capables de négocier comme il faut dans les contrats pour éviter ces déséquilibres. Et également, et si le gouvernement n'a pas ces compétences local, il peut faire recours à des experts externes. Il y a le facteur de corruption là, c'est que le gouvernement doit aligner des gens qui vont négocier, mais qui sont à la hauteur, qui peuvent dépasser leurs propres intérêts au profit des intérêts publics. Et il y a également une bonne gestion. Les entreprises ont également intérêt à signer des contrats qui réellement montrent qu'ils vont profiter à l'autre partie signataire. Ici, je veux dire le gouvernement et la population derrière. Les marchés publics seront transparents et suivis pour la mise en œuvre du plan communal de développement communautaire en 2020-2024 de la commune urbaine de Mukaza. Les communes de la mairie de Bujumbura n'étant pas autonomes, des informations en provenance de la mairie de Bujumbura parlent d'une collecte de moyens jusqu'ici difficile. En page agriculture, certains des agriculteurs de la province de Cibitoke déplorent la faible production culturelle pour la saison culturelle B, expliquant qu'il n'a pas eu à temps les fertilisants de l'usine locale FOMI. C'est au moment où cette dernière dit avoir payé la totalité de l'argent pour achat de ses engrais. Le gouverneur de la province de Cibitoke tranquillise sa population tout en indiquant qu'il suit de près cette problématique. Les détails avec Evariste Nzikobanyang. Certains des agriculteurs de la province Cibitoke qui disent avoir déjà semé pour la saison culturelle B sont dans le désespoir. Ils disent n'attendre rien comme récolte suite à l'usine FOMI qui n'a pas encore livré les fertilisants qu'ils ont payés à l'avance. Nos plantations sont dans une situation déplorable. La question est que nous manquons ces engrais après avoir payé la totalité. C'est une situation difficile à gérer. Au sein du groupement des coopératives, des riziculteurs de Cibitoke, des lamentations sont énormes. Augustin Avzarimana, chef de ce groupement, explique que cette question tarde à trouver solution. Il juge insignifiant la quantité des engrais déjà perçus par rapport à la demande. Ma coopérative ces coopératives ont demandé plus de 6500 sacs d'engrais et qui ne sont jusqu'ici disponibles. Nous avons déjà perçu plus de 400 sacs. Vous comprenez qu'il m'est difficile de partager la quantité disponible. Cela étant, le ministère en charge du développement communautaire ayant accordé 10 jours pour que les fertilisants FOMI soient disponibles dans tout le pays, mais en vain. Cependant, le gouverneur de la province Cibitoke, Karim Mbizoza, tranquillise. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils auront les fertilisants qu'ils ont demandé. C'est pourquoi vous avez vu que l'on a commencé à donner des petites quantités pour les travaux préliminaires. Je tranquillise que les quantités restantes leur seront octroyées. Les agriculteurs de la province Cibitoke demandent à l'usine FOMI de leur restituer leur argent si elle est dans l'incapacité de satisfaire la demande et au gouvernement d'autoriser l'importation des engrais chimiques en provenance de l'extérieur. Evariste Nzikobanyang, à la rédaction de la radio Isanganiro, n'a pas encore réussi à joindre la direction générale de FOMI. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h04 dans les cieux de la radio Isanganiro, vous pouvez nous suivre via le www.isanganiro.org. Les leaders religieux opérant en province de Kayanza sont appelés à une bonne cohabitation. Appel lancé ce mardi par le député Gérald Ndabirabe, président de la Chambre basse du Parlement, dans une réunion avec les représentants des confessions religieuses au chef-lieu de la province de Kayanza. C'est au moment où les adeptes de l'église adventiste du 7e jour en commune et Kabarole de la province de Kayanza se rivalisent pour la représentation de l'église ces derniers jours. Suivez-le. Il est traduit en français par Patrick Sengayumpa. Rendons à Dieu ce qui lui appartient. Nous vous demandons aujourd'hui de vous ressaisir. Rassemblez-vous pour étudier ensemble ce que vous disputez. On ne dispute pas pour les affaires de Dieu. Le bon Dieu nous aime tous et veut que nous lui appartenions tous. Nous le prions tous également. Pourquoi alors vous empêchez d'autres à prier? Pourquoi vous les mettez à l'écart? Alors qu'ils veulent prier sur bon Dieu, c'est ce qu'ils nous demandent. Alors que vous arrivez à chasser des uns des autres, vous leur dites que ceci et cela ne leur appartiennent pas. Vous dites qu'il y a encore d'autres personnes qui restent, peu de personnes qui restent. Pourquoi faire? Des récalcitrants. Je vous aide si vous voulez qu'il y ait de l'ordre. Distinguez vos affaires et serre de Dieu. Et dès lors, appelez le ministre. Sachez que le ministre est un homme politique. Vous ne le savez pas. Vous les adventistes du 7e jour, vous ne le savez pas. Si vous le savez, vous ne lui présenterez pas vos affaires disant que ça appartient à Dieu. Vous ne lui présenterez pas ça. Il est un homme politique. Même moi qui vous parle, je suis un politique. Et voilà, vous dites au gouvernement de traiter les dossiers qui restent. Qu'est-ce qui reste? Des affaires des hommes ou de Dieu? Gérald Ndabirabe, il est président de l'Assemblée nationale et il est traduit en français par Patrick Sengiyumba. Il y a environ 80% de pêcheurs et patrons pêcheurs burundais sont affiliés à l'Institut national de sécurité sociale et INSS depuis le début de cette année. Gabriel Boutoy, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi, qui donne ces chiffres, dit que c'est le résultat de nombreuses rencontres des deux parties. Pour lui, ceux qui hésitent encore devraient se joindre aux autres dans les meilleurs délais, estimant que personne ne peut se passer d'une loi prise par le gouvernement burundais. Jean-Pierre Misako. Après plusieurs réunions entre patrons pêcheurs et l'Institut national de sécurité sociale, des réunions intervenues après la mise à jour de certains des textes et lois régissant l'INSS, environ 80% des pêcheurs et patrons pêcheurs sont déjà affiliés à l'INSS, selon Gabriel Boutoy, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi. Aucun patron pêcheur ou pêcheur ne devrait en principe se dérober de cette affiliation à l'INSS, selon Gabriel Boutoy, qui espère que même ceux-là qui hésitent encore pourront dans un proche avenir rejoindre le train en marche. Entre-temps, la sensibilisation devra se poursuivre dans ce secteur informel nouveau en matière de sécurité sociale, vu que c'est même une loi du gouvernement burundais, informe Gabriel Boutoy. Ce secteur de pêche compte plus de 15 000 personnes, selon la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et dans l'optique de mettre en application le souhait du chef de l'État d'être informé par le citoyen de l'impact des projets, mais aussi des situations qui requièrent son attention, un forum sur l'engagement citoyen est organisé ce mercredi par World Vision et la Banque mondiale, selon la représentante résidente de la Banque mondiale au Burundi, Véronique Kabongo. Ce forum permettra une mise à disposition des connaissances et compétences qui vont renforcer les approches d'engagement citoyen. Suivez Véronique Kabongo. Son Excellence le Président de la République demande à ce que le gouvernement laborieux et responsable travaille uniquement pour le citoyen. Et donc une partie, c'est de rester concentré sur l'impact des projets de développement pour les citoyens. Donc ça, c'est un sens. Le deuxième sens, c'est de donner l'opportunité aux citoyens de répondre aussi et de donner leur feedback par rapport aux activités des projets de développement. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'un processus dans les deux sens. Donc d'une part, le gouvernement doit se concentrer sur le bénéfice qu'on donne aux citoyens et d'autre part, c'est permettre aux citoyens de donner le feedback par rapport à ce qui fonctionne, à ce qui fonctionne moins bien et à ce qui devrait être changé ou peut-être amélioré. Les acteurs de l'engagement citoyen, ils sont multiples. Il y a bien sûr le gouvernement et les équipes gouvernementales, mais les citoyens eux-mêmes, les partenaires au développement, la société civile, le monde académique et je vous signale que les médias également ont leur rôle à jouer dans cet engagement citoyen parce que c'est grâce à vous, les médias, que les citoyens vont être au courant de ce qui se passe dans leur pays. Au terme de ce forum, il y a deux choses qui arrivent. Un, c'est que les équipes de projet maintenant sont à l'aise avec différents outils qui vont leur permettre d'engager, de permettre cet engagement citoyen. Mais deuxièmement, nous voudrions aussi qu'il y ait un transfert de compétences et qu'au Burundi, le Burundi développe lui-même ses outils innovants pour engager les citoyens dans le développement du pays. Nous avons un portefeuille qui est très large à la Banque mondiale. Comme je l'ai annoncé il y a quelques jours, nous venons de dépasser le milliard de dollars de dons au travers d'une quinzaine de projets et régionaux et nationaux. Véronique Kabongo est la représentante résidente de la Banque mondiale au Burundi. Et la pénurie d'eau potable en commune Vianda de la province et Bururi qui s'observe depuis quelques temps est aujourd'hui aggravée par l'absence d'employés de la régie communale depuis que le ministre de l'Intérieur a annoncé que les adductions d'eau potable sont gérés par les communes au moment où la population de la commune Vianda demande la réhabilitation de deux adductions de l'eau se trouvant dans cette commune. L'administration communale dit que la question sera transmise au conseil communal qui se tiendra ce samedi. Place maintenant à parler, rassure-moi. Excusez-nous pour cette panne technique, mais la limitation axiologique des idées peut petit à petit aller jusqu'à inciter l'utilisation des messages d'ORNM. Docteur Hélène Mawenimana, chef du département de journalisme et de communication à l'Université du Burundi, explique que ce que la personne n'a pas eu le droit d'exprimer, l'exprime en cachette avec exagération. L'une des causes de cette limitation axiologique est l'assurance de sécurité Onelamucho. La limitation axiologique de la liberté d'expression peut exulter de plusieurs facteurs. Docteur Hélène Mawenimana, chef du département de journalisme et de la communication à l'Université du Burundi, parle de manque d'estime de soi et de la peur d'être menacé comme certains de ces facteurs. Dans certaines situations, il arrive que certaines personnes se privent le droit d'exprimer leurs avis en public par peur de décevoir leurs coéquipiers ou parce qu'elles pensent que leur sécurité n'est pas assurée ou parce qu'elles ont perdu de l'estime suite aux événements vécus dans le passé. La liberté d'expression a plusieurs avantages. Allant dans le sens de la résolution des conflits, selon toujours Dr. Hélène Mawenimana. Cette libéralisation peut donner lieu à un consensus sur un point, et un point qui au départ opposait les personnes ou les groupes en conflit ou encore les communautés. Ce consensus donne lieu à la paix durable. Et la paix durable peut donner lieu au développement durable. Aussi, cette libération peut être à l'origine de l'enrichissement mutuel des parties en conflit ou des parties qui se croyaient en conflit. Et c'est quand chacun donne son opinion sur un thème quelconque, sur un problème quelconque, et de l'autre domaine. Elle peut être la base du développement durable et inclusif. Dans le cas contraire, les conséquences peuvent aller jusqu'au message de haine. Et les conséquences peuvent être des soupçons pouvant donner lieu au conflit. Et les conséquences de tout mènent vers des impacts négatifs sur le développement. Ça peut mener vers les messages de la haine parce que ce que la personne n'a pas eu le droit d'exprimer librement peut être exprimé en cachette et d'une manière peut-être qui donne de la force peut-être au message de la haine donnant plus de force au camp. La liberté d'expression, définie par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit. Ornella Mucho, et bien voilà. Sur Isanganiro, 13h15, c'est par ici que nous mettons point final à cette édition de la mi-journée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à François Akimana qui l'a mise en onde et Eli Nibelni qui l'a jeté à sa présentation. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Au revoir.